as peur des nuits trop longues, alors viens dormir près de moi, afin de rêver d'autres mondes, comme on le faisait autrefois. J'aimais sentir ton souffle tiède, entendre le son de ta voix. Et quand je te disais je t'aime, tu te serrais tout contre moi. Je te regardais dormir, mes lèvres posées sur ta joue, et de temps en temps ton sourire semblait me dire mon amour. Déjà longtemps, je sais tu ne reviendras pas. Demain tu vois c'est déjà le printemps, alors je me souviens de toi. Lorsque ma main dans tes cheveux glissait du cou à ton épaule, regardais dormir, mes lèvres posées sur ta joue, et de temps en temps ton sourire semblait me dire mon amour. Je te regardais dormir, mes lèvres posées sur ta joue, et de temps en temps ton sourire semblait me dire mon amour. Si tu as peur des nuits trop longues, alors viens dormir près de moi, afin de rêver d'autres mondes comme on le faisait d'autres fois.